Allez, on vient de terminer avec Jones, j'allais dire. Avec Skunk. Et on accueille James. Bonsoir, James. Bonsoir. Merci, James. Tu es l'un des porte-parole représentants de l'ANS, Association Nationale des Supporters. On voulait t'avoir ce soir dans l'émission pour discuter un petit peu avec toi de ce qui s'est passé samedi à Strasbourg. Et ce qui se passe dans le football en général, voilà. En ce moment au niveau des supporters. Alors, permets-moi de corriger, mais l'ANS n'est pas là pour défendre que les intérêts des groupes ultra. C'est des supporters. L'ensemble des groupes de supporters et des supporters aussi lambda, on est bien d'accord là-dessus. Ah oui, c'est tout le monde. C'est exactement ça. Voilà, d'ailleurs, moi, je fais pas partie de groupe ultra et je suis un des représentants dans le bureau des supporters au sens large. C'est pour ça que ça s'appelle pas des. Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle l'Association nationale des supporters. Donc, ça englobe vraiment toutes les. Qu'on appelle ça, toutes les composantes du, comme on dit, le supporter un petit peu lambda jusqu'au sympathisant, jusqu'à l'ultra, enfin voilà. Exactement. Alors, on avait Laurent Perpignan, que tu dois connaître, je suppose, juste avant toi, qui nous a un petit peu raconté ce qui s'est passé à Strasbourg. Comment tu je disais à Laurent, on a franchi une étape supplémentaire, à ton avis, avec une garde à vue aussi massive de 43 personnes. 18 heures de garde à vue, enfin, c'est un truc, enfin, personnellement, ça fait 20 ans que je vais dans les stades et plus d'une dizaine d'années que je suis écarté dans un groupe, j'avais jamais vu un truc pareil. Autant de personnes aussi longtemps en garde à vue pour avoir juste, entre guillemets, bravé à une interdiction de se déplacer, c'est quand même un truc assez hallucinant. Bah, c'est surtout que c'était pas nécessaire. Oui, voilà, c'est ça. Je crois qu'on sait très bien. Tu leur dis quoi pendant 18 heures en garde à vue? Rien. Tu leur dis, t'as quoi comme question à leur poser? Qu'est-ce que vous foutiez là? Venez voir un match? Non, mais c'est vrai. Bon, après, moi, j'irai un peu plus loin. Alors, je ne connais pas exactement les détails. Je pense que les Bordelais présents ont pu témoigner. Mais il y a déjà à mettre les menottes. Je pense qu'ils étaient assez nombreux. En plus, ils étaient assez encadrés pour. Il devait y avoir un CRS par supporter à peu près, je pense. Ouais. Donc déjà de base, avant même qu'ils arrivent à la garde à vue, c'est vrai que les conditions étaient un peu hallucinantes. On a l'impression que c'est toujours les mêmes méthodes. C'était un peu pousser un peu à l'extrême les interpellations pour décourager les gens. Mais bon, c'est très bien que ça décourage personne. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de supporters. Comment tu travailles? Alors, je posais la question à Laurent juste avant toi. Comment l'ANS, vous arrivez? Alors, il y a quelques années, il y avait la CNU qui avait été mise en place, je crois, de coordination nationale des ultras. Alors là, qui était spécifique au groupe ultra. Ça avait tenu un temps, notamment porté par les ultramarines. Et ça avait, ça avait capoté un petit peu au bout de quelques années. Là, l'ANS, ça fait un petit moment maintenant que vous êtes en place. Comment vous arrivez à traiter avec les autorités compétentes? Je parle souvent de la Ligue, peut-être aussi du ministère des. C'est qui, le ministère des Sports ou le ministère de l'Intérieur? Là, concrètement, on discute avec tout le monde. Alors, vous avez deux volets. Il y a ce qu'on appelle l'instance nationale des supporters qui dépend du ministère des Sports, où là, vous avez un peu tous les acteurs qui sont représentés. Donc, nous, on siège au sein de cette instance. Et après, vous avez les contacts directs. Donc, on peut avoir des réunions directement avec la Ligue, directement avec la Fédération française, directement avec le ministère de l'Intérieur. Alors évidemment, principalement la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme, qui nous a déjà reçu. Donc dès l'instant, il y a des interlocuteurs, mais au sens plus large, hein, on peut rencontrer aussi, nous ouvert à tout, on peut rencontrer des clubs, des représentants de clubs, des représentants de joueurs, etc. Alors, en gros, on part du principe que tous les acteurs du foot français ont un mot à dire sur tout ce qui concerne le foot. Et nous, au moins sur la question des supporters, on a plus que des choses à dire, donc on doit être un interlocuteur. Mais qu'est-ce qui fait que depuis tant d'années, on a l'impression... Alors, c'est le sentiment que moi j'ai, et toi, vu que tu es de l'intérieur et que tu participes à ces discussions, peut-être tu vas me contredire, mais qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment que depuis des années et des années, le dialogue est strictement impossible? C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'un côté, on fait des revendications, on demande des choses... Et de l'autre côté, on nous écoute pas. Alors les gouvernements changent, les ministres changent, les présidents de ligue changent. Je pense que ça a changé une fois. Ça a changé depuis. Non mais avant Moustache, il y avait Le Graët. T'as peut-être pas connu, mais. Oui, mais enfin, voilà. Dire Moustache, il est resté longtemps. Non mais voilà, toi James, t'as peut-être eu affaire à plusieurs dirigeants successifs. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est les mêmes. Voilà, les mêmes effets. J'ai l'impression que Madame Bois de la Tour. Bah, on l'entend pas sur le sujet, elle se mouille pas. On entend beaucoup Monsieur Quillot, mais elle, on l'entend pas. Alors, putain, elle est présidente de la Ligue, quand même, je sais pas, ça la concerne directement. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle fait une ramée. Qu'est-ce que... Alors, je vais reprendre la question du début, après, je vais quand même défendre justement la présidente, parce que s'il y a bien du changement, c'est avec elle. Déjà, il y a l'inertie, donc vous pouvez changer les hommes, etc. Dès l'instant où on n'a pas envie de faire avancer les choses, il n'y a rien qui se passe. Des fois c'est des questions humaines, hein. Il faut avoir les bonnes personnes au bon moment pour qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche. Après, il y a aussi tout simplement maintenant une surmédiatisation, des réseaux sociaux, des gens qui communiquent entre eux, et dès l'instant où déjà nous, en tant que supporters, on arrive à mieux communiquer entre nous, donc à se transmettre les infos, à se parler, à trouver des solutions, etc. On est plus apte à aller discuter avec les gens. Après, il faut pas se leurrer, hein. Il y a aussi un gros truc qui change la donne, c'est les médias. Dès l'instant où vous avez des médias qui ont un traitement un peu différent, c'est plus facile d'aller se poser en interlocuteur. Vous savez, enfin, c'est pas un mythe. Alors, évidemment, les groupes ultra, parce que même nous à l'ANS, pas se leurrer, on est majoritairement composé de groupes ultra, et c'est souvent ceux qui portent la parole, hein, faut pas se leurrer. Avant, il y avait, on va dire, une méfiance, une défiance, une volonté de rester un peu underground, donc vous aviez pas beaucoup de personnes à communiquer dans les médias. Maintenant, on peut dire que ça change quand même un peu. Bah, Twitter, Facebook, enfin ouais. Voilà. Ça. Mais nous, à Bordeaux, en premier, hein, longtemps, les ultramarines ont refusé de communiquer sur les réseaux sociaux, et puis au bout d'un moment, bah, t'es obligé de te rendre compte que t'as pas vraiment le choix, quoi. Ben oui, et ça, évidemment, ça change la donne, parce que les médias, en plus, les médias changent de génération, donc vous avez des gens qui ont connu un peu les cultures ultra, les cultures des tribunes, qui arrivent et tout dans les rédactions, qui savent un peu mieux appréhender le sujet. Pour ne citer que le plus célèbre, Daniel Riolo. Oui, enfin là, tout à l'heure. Entre autres. mais dès l'instant, les médias s'intéressent au sujet et qu'on peut mieux porter la parole, ça change la donne. Ça oblige, entre guillemets, les autres interlocuteurs à nous écouter, quoi. Mais c'est vrai que de plus en plus, tiens, Marc, en début d'émission, faisait la remarque, c'est de plus en plus relayé par des médias qui, fut un temps, n'en parlaient pas. Je pense aux diffuseurs, Canal+, je pense à L'Équipe, je pense à RMC, je pense à... À l'époque, tu prends 3 ans auparavant, ou 4 ans, ou 5 ans, il y avait plein d'amalgames qui étaient faits. Quand tu suivais un petit peu le monde du supporterisme, je ne dis pas trop, mais vous allez me pardonner cette phrase, en France... Des fois, tu tombais sur des bêtises dans les journaux qui tu sentais que c'était pas maîtrisé. Que, parce que les gens s'intéressaient pas. Voilà, qu'on parlait, qu'on suivait la mouvance populaire et qu'on allait à dire ouh, c'est méchant, hooligan, en faisant des contresens à toutes les phrases. Aujourd'hui, tu lis un article de Le Monde, je l'ai lu tout à l'heure. Ou un article du Monde aussi, c'est bien. Oui, du Monde, qui était d'une très très bonne qualité. Sauf foot, ça s'est pas prouvé la même chose. On a Pierre Ménès. Rarement entendu aussi. Ah, je l'ai rarement entendu. Engagé, ouais, je l'ai rarement entendu aussi que pas dimanche. Content. Le Bœuf, on a mis une couche aussi cet après-midi chez voilà, Dugas. Roten parlait déjà énormément avant. Riolo aussi. Et c'est sûr que quand BFM pareil, c'est sûr que quand les médias se mettent à en parler et pas parler pour défendre la ligue, mais plutôt pour donner la parole à ceux qui d'habitude ne sont pas écoutés. Et ce qui est nouveau aussi, les joueurs, les acteurs eux-mêmes et du football. Costil, la déclaration Benoît fait à la Costil, fin du match. Qui on a eu aussi un autre. Enfin, régulièrement, il n'y a pas que pour aller de Bordeaux, mais c'est de plus en plus. Souviens-toi de Planus avant le dernier match de sa carrière, la torche à la main devant Dirachud. Souviens-toi de Jean-Louis Triot, Jean-Michel Aulas a fait à peu près la même chose il n'y a pas très très longtemps. Forcément, ça ne doit pas beaucoup les aider dans ce contexte où on est en train de te dire que non, les fumigènes c'est interdit, mais c'est des acteurs bien. Et en plus, le pire, c'est le comble du. Moi, je trouve que c'est le pire, c'est que quand on va te vendre le derby entre Marseille et Paris, tu vas voir, on va te montrer quoi? Des tribunes avec des fumigènes. Ah, des tifos, des machins. Voilà, donc. Non, mais même pas les tifos. Les tifos en soi, bon, même s'il y a eu un arrêté préfectoral visant à réduire la taille d'un tifo, alors on fait beaucoup de choses. Ah oui, alors ça aussi, c'est. Il faut vraiment qu'on arrête. Mais voilà, on va t'utiliser les images avec les fumigènes parce qu'on qu'on veut l'ambiance, parce que regarder Monaco-Lyon, déjà que le match était pas top, le stade peut-être pas trop resté dans le match. Bon, après, je parlais des médias, dans l'importance d'avoir un peu créé le dialogue. Après, j'en reviens à ce que j'ai dit au début, ça dépend des gens que vous avez sur place et ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, on a quand même un gros changement. Là, bon, vous avez cité Kyo, où le dialogue était totalement impossible, par exemple, pour nous. C'est bien de se voir, mais après dialoguer, c'est autre chose. Nathalie Bois de la Tour, pour nous, ça change quand même la donne d'avoir ce genre d'interlocuteur. L'ADNLH, bon, je vais pas revenir sur le passé, mais d'avoir changé de patron de l'ADNLH, ça change totalement la vision, la doctrine, alors, la discussion qu'on peut avoir. Pareil au ministère. Donc, vous avez certains acteurs qui sont très importants, où avant, effectivement, à part quelques sociologues qui connaissaient bien le sujet, qui éventuellement pouvaient porter le sujet, là, vous avez pas mal de monde. Et si vous voulez, pour en revenir juste à l'ANS, nous, quand on s'est créé et qu'on a commencé à discuter, on est parti tout de suite du principe que ça serait un travail de longue haleine. Mmh. Et qu'on se marquait sur le temps long. Si vous voulez, on n'était pas sur des revendications concrètes, immédiates. On s'est dit, voilà, le travail, c'est vraiment de se faire reconnaître comme un interlocuteur et de travailler des sujets de fond et d'aller, de prendre ce temps-là. Ouais, gagner en crédibilité avant d'exiger, de demander quoi que ce soit. Quoi. Exactement. Et surtout, pour ceux qui connaissent pas, ils peuvent aller sur notre site. Nous, on met en avant des travaux qu'on a fait. Alors après, les gens peuvent ne pas être d'accord, mais au moins on a une base de discussion. Donc, par exemple, sur les tribunes debout, on a fait des travaux. Sur la pyrotechnie, on a fait un travail. Sur le référent supporter, nous, on a tout un travail qui a été fait. Alors que par exemple à la Ligue, ils l'ont même pas fait, alors que c'est leur boulot, par exemple. Donc voilà, nous, on s'appuie aussi sur des choses concrètes. Après, on n'a rien inventé, mais il y a des choses qui existaient par le passé, il y a des choses qui existent dans d'autres pays, on ne fait que les adapter. Hein. Ouais. Ah. Ouais, Marc. Juste, j'ai l'impression que le dialogue pourrait être facilité si on se mettait à considérer l'utilisation des fumigènes. D'un côté, ça sera un pas vers les supporters. J'ai l'impression que les supporters aujourd'hui seraient presque prêts à faire le pas de « Ok, on est d'accord pour encadrer l'utilisation ». Est-ce que tu penses, moi j'ai l'impression que ce débat-là déjà mettrait un bien immense dans les tensions entre la Ligue et les supporters. Est-ce que pour toi sur ce point-là, c'est prêt à avancer ou on est très très très loin de bouger des lignes? Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le papier de Nicolas Hourcade dans SoFoot. Ah non, je croyais que tu allais me parler du livret de 40 pages qu'il y a sur le site. Tu vas le lire à la pause. Alors je vais aller plus loin que le livret et je vais vous dire à peu près... Qui est très bien foutu d'ailleurs, si les gens veulent aller le voir, c'est sur le site de l'ANS, il y a un petit dossier d'une quarantaine de pages sur... Le maître du feu. Donc je vais vous parler plus de la teneur... Nicolas Hourcade qu'on voit vendredi dans l'émission d'ailleurs. Désolé. Oui, pour ceux qui l'ont pas lu, je vous conseille d'aller lire... un article qui vient d'être paru sur SoFoot, ouais. Où justement il explique que c'est dommage que ça soit l'objet de tensions, que tout tourne autour de cette histoire de fumigène. Alors sur l'histoire des fumigènes, il y a deux choses totalement différentes. Il y a la question en gros de l'utilisation sauvage et tout, qui est une chose. Ça, on veut bien comprendre que on puisse mettre ça un peu de côté, même si on estime qu'il va falloir quand même retravailler sur les sanctions. Mais ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, si vous voulez, par rapport aux décisions de la commission de discipline. Et après, il y a les tifos, enfin tout ce qui est organisé. Alors, là, c'était pas les tifos qui étaient mis en avant, souvent c'était les anniversaires ou la fête ou ce qui s'est passé à Lyon. Mais en gros, c'est tout ce qui est organisé. Et là, il y a un moment où faut dire, ben voilà, il faut se mettre autour de la table, commencer à voir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Je rappelle qu'il y a des expérimentations qui existent dans des pays scandinaves, il y a certaines villes en Autriche où c'est autorisé. Après, l'idée n'est pas d'aller prendre un modèle, mais au moins de se mettre autour d'une table et de commencer à en discuter. Surtout que il faut arrêter d'être hypocrite, et maintenant l'hypocrisie est levée, puisque même Aulas explique qu'il avait tout dit à la Ligue avant. On sait, il y a certaines festivités où les gens savent qu'il va se passer quelque chose. Bon bah voilà, après c'est à voir si ça peut être encadré, fait, tout en respectant la liberté et en fait ce qu'ont envie de faire les groupes qui veulent organiser quelque chose. Ça c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, où tout le monde a compris que il y a un moment on peut pas s'entêter dans une espèce d'hypocrisie où en gros on va sanctionner et fermer des tribunes, qu'on peut pas continuer là-dedans. Et qu'au moins, il va falloir commencer à discuter. Parce que c'est la facilité, clairement. Ça peut être le début. Aujourd'hui, nous, on entame ce débat-là dans les instances. Dès l'instant où on a la Ligue en face de nous, dès l'instant où on a la DNH, etc. Ouais, après quoi? Ah bah, de toute façon, les premières questions, les premières réponses au début, c'était « Ah, mais la loi, c'est interdit, c'est quand même, c'est le règlement. » J'ai dit « D'accord, c'est interdit, etc. » Oui, la loi, peut changer. Alors, il y a la question de changer de loi, mais bon, là, on n'en est pas là, donc on n'en est pas aussi loin. Il y a un moment où on peut réfléchir à contextualiser, à voir, etc., éventuellement avoir des autorisations exceptionnelles et tout, j'en sais rien. Il y en a déjà eu, en plus. Mais bien sûr, puis, à la limite, au moins qu'on discute du sujet et qu'on voit ce qu'on peut faire. Parce que de toute façon, on sait que si on met de côté l'allumage chauffage qui fait partie de la culture du travail des tribunes, qui est un sujet en soi, si on met de côté l'utilisation d'additifs aux festifs quand les groupes ou ceux qui sont organisés veulent organiser des festivités ou un tifo avec des familles qui sont prêts à l'organiser de manière concertée, et ben si au moins ça on peut le faire sereinement, on s'épargne des conditions où en gros on se retrouve des fois dans des conditions où il va pouvoir y avoir un problème de sécurité juste parce qu'il n'y a pas cette discussion. Après, je vous enchaîne tout de suite, il y a après la question des sanctions. Donc, juste, à un moment, il va falloir voir comment fonctionne la commission de discipline, que si elle doit traiter des sujets supporters, ce qu'elle n'a pas le droit de faire aujourd'hui, il va falloir réfléchir à comment elle le fait, et puis réfléchir à d'autres sanctions qui sont plus adaptées et plus réfléchies, quoi. Évidemment qu'il y a des moments où, dans un contexte, on va pas fermer un stade et on va pas sanctionner parce que c'était un contexte spécifique, tout a été mis en œuvre pour que ça se passe bien, que les sécurités soient respectées, etc. Enfin, c'est juste du bon sens. Donc ça, on espère que ça va avancer. Et on espère que le maximum de monde relayera cette idée et que l'effet qu'il y a eu autour des derniers événements fasse que tout le monde se dise « Oui, maintenant, il faut arrêter l'hypocrisie, puis il faut discuter et trouver une bonne solution. » Moi, juste une question, Marc, t'inquiète, je t'ai vu. Mais juste une question rapide. Concernant la DNLH, dont je trouve... Alors, je sais... rien que le nom, déjà. Rien que le nom. DLNH, Division Nationale de Lutte Contre le Hooliganisme, rien que le nom déjà est une aberration totale, parce que quand on s'appelle Division Nationale de Lutte Contre le Hooliganisme, on ne lutte que contre le hooliganisme et pas contre les ultras et les supporters qui sont tous sauf des hooligans. Déjà rien que le nom, tu vois, ça appellerait ça Division Nationale de Lutte Contre les Violences dans les stades, à la limite déjà ça serait un peu plus... entre guillemets, un peu plus cohérent. Bon, bref, rien, passons ça. Est-ce que vous avez senti une différence? Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu un changement à la tête de cette DLNH. C'était monsieur Boutonnet, qui depuis, malheureusement, c'est... Bon, enfin, c'est pas un secret, hein. Il s'est donné la mort. Il a été remplacé par qui? Je sais même pas son nom. Antoine Mordac. Voilà. T'as senti une différence, une inflexion, peut-être parce que bon, Monsieur Boutonnet était quand même assez, strict, campé sur ses positions, quoi. T'as senti avec le nouveau patron que ça restait sur la même ligne, où il y avait peut-être moyen de tenter d'envisager de parler de quelque chose. C'est la ligne totalement opposée. Ah d'accord, ils ont choisi carrément quelqu'un de... C'est le jour et la nuit. Alors, après, attention, aujourd'hui on est dans le discours, on est sur certaines choses où effectivement il y a eu des avancées, on attend quand même de commencer à avoir des choses concrètes pour pouvoir dire qu'il se passe quelque chose. Par contre, ça c'est indéniable, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment l'opposé. De toute façon, le bon côté des choses, c'est qu'on a quelqu'un de pragmatique. C'est-à-dire quelqu'un qui a le but de maintenir l'ordre public. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est sa mission. On représente la police, etc. Mais avec ça, de faire en sorte, quand on peut s'éviter des problèmes en organisant en amont, quand on peut discuter avant de certaines choses, anticiper, quand on peut, du coup, par la concertation, faire en sorte qu'il y ait moins de forces de l'ordre mobilisées et tout, c'est des vrais sujets, des sujets qui sont mis en avant, qui sont pris en compte, et forcément, ça change la donne. Parce que quand on se dit je veux mobiliser moins de monde, je veux m'épargner des problèmes là où il n'y a pas de tension entre supporters, etc., forcément on en vient tout de suite à prôner de la concertation, de la discussion et le dialogue avec les supporters. Hein. Alors pas seulement avec les supporters, d'ailleurs, avec les clubs, avec la ligue, etc. Il faut que tout le monde se parle. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que les clubs et les supporters arrivent à communiquer. Et pourtant, les clubs et les supporters ne doivent pas toujours être d'accord sur tout. Mais pourtant, la communication existe. Chaque club arrive à communiquer avec ses supporters. Et t'as l'impression qu'il n'y a que la Ligue qui n'arrive plus à communiquer. Enfin, non, attends, ils n'y arrivent pas puisqu'ils ne cherchent pas à communiquer. Mais c'est assez gravissime, je trouve. Et moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que l'histoire se répète. Comme disait Mano, pour les citer, l'avenir est à mon passé. C'est que la discussion, elle a déjà eu lieu avec... non, je ne sais plus comment il s'appelle, je veux dire CVS, mais ça n'a strictement rien à voir. Avec l'association des Ultras. Qui était chapeau, où participaient les ultramarines. Il y avait eu des discours sur des dossiers qui avaient été montés, notamment sur les fumigènes. Moi, ça reste le plus gros point de blocage que j'arrive plus à comprendre. Où il y avait pour une utilisation contrôlée, il y avait un pas qui a été fait par les ultras. Il restait juste à faire le pas inverse. Il y avait une discussion. On a l'impression que ça avançait bien, et puis la carotte a été inversée et elle a fait le chemin inverse et les groupes de supporters ont été trahis. Là, moi, tu nous tiens donc le discours que ça essaye d'avancer dans le bon sens, mais pour l'instant, moi, j'aimerais qu'un minimum que, tu sais, comme il y a une tension et que les supporters vont pas changer et qu'ils se sentent les plus agressés, peut-être falloir qu'à un moment, la Ligue doit retourner. Alors, toi, ça va peut-être pas te parler, mais à Bordeaux, on a eu... Je suis parti, il a commencé à poser la question, je suis revenu, il a toujours pas fini. Je parle pas, je pose pas une question, je donne un avis. On avait eu le préfet de Bordeaux avait changé, puis là, il avait décidé que les fumigènes seraient totalement interdits, que les bâches devaient être inutilisées, chose qui est impossible pour un groupe de supporters parce que ça coûte trop cher. Il y a eu un bras de fer pendant des semaines. Fugés, ouais. Voilà, il y a des semaines et des semaines. On avait reçu en studio le préfet délégué à la sécurité et au sport, je sais pas trop quoi, à la défense, je sais plus trop quoi, qui était venu nous expliquer, nous faire son barata poétique, sauf qu'il s'était fait avoir parce qu'on avait préparé un autre sujet. À l'époque, il y avait quand même des fausses promesses d'interdiction de stade parce que les gens qui tenaient les drapeaux enjambaient l'espèce de couronne en béton qui faisait le tour du stade entre la fosse et le parapet, ça s'appelle. Voilà, un parapet. Et que disait que si jamais ça se reproduisait, la personne serait interdite de stade pendant 6 mois. On était sur des menaces pures et simples. Ils nous vendaient que les fumigènes étaient interdits, mais quand on lui avait montré qu'à Saint-Etienne ça avait été autorisé pour un anniversaire, on disait ah oui, mais là c'est différent, ça a été encadré. Donc quand on lui demandait, mais encadré tout le temps, le problème ça reste. C'est interdit, c'est inscrit dans la loi depuis 93. Ce que je veux dire, il était capable de te dire quand c'est encadré, c'est bon, on lui répond, mais encadrer tout le temps, il n'y aura plus de problème, ouais, et là, ouais. Il te fait, ah non, c'est plus possible. Et j'ai l'impression là qu'on est juste 5 ans après et qu'on repart sur la même bataille avec, et que les forces de l'ordre, forces de l'ordre, ceux qui appliquent ou dirigent les lois, qui sont bien campés dans des bureaux parisiens à décider à 4 sans jamais avoir mis les pieds dans un stade de football, sauf dans les loges, ne comprennent rien à rien et ne veulent surtout pas comprendre. Et alors, c'est un problème de compétence. Mais j'ai l'impression que comme on monte pas de d'avancée, que ça avancera jamais. C'est un problème de compétence. Alors, je vais essayer parce que comme il y a pas de questions, je vais essayer. Voilà, c'est mon avis en fait. Mais tu vois, j'ai l'impression que je vais te donner la différence. Alors, je pense que quand tu alors. Déjà, il faut te dire que tu fais référence souvent à la CNU. Oublie, on n'est pas du tout dans le même contexte. Et en fait, l'ANS n'a rien à voir avec la CNU. Oui, c'était il y a plus de 10 ans, c'était entre eux. En fait, tu fais référence au rapport Paquette qui date de 2004. Donc, on est en 2018. C'était il y a 14 ans. Alors moi, je suis un peu ancien, donc je le connais ce rapport et je connais ces histoires-là. Effectivement, si tu reprends le rapport, si aujourd'hui tu me dis le rapport Paquette, c'était une bonne avancée, il y a tout dedans, je te dis oui. Et d'ailleurs, nous, on l'utilise. C'est-à-dire qu'on va utiliser les choses qui sont dedans. Alors, si, t'as pas les mêmes termes, parce que, par exemple, aujourd'hui, on va beaucoup parler du référent supporter. Si tu regardes le rapport, la question y est. Alors, avec d'autres termes. Ça, on est d'accord. Aujourd'hui, t'es pas du tout dans le même contexte. À la Ligue, t'as plus un Jean-Pierre Hugues qui va être bloquant. Et en plus, t'as plus la possibilité aujourd'hui, à mon sens, un Jean-Pierre Hugues ou un Thierry à l'époque, c'est-à-dire, on a fait des promesses et tout. Ah, il y a eu un incident 15 jours, je sais plus, c'était une semaine, 15 jours après, je me souviens même plus ce qui s'était passé d'ailleurs. Il y a eu un incident dans un stade. Donc, en gros, c'est vous qui avez trahi. Donc, on arrête tout. Ça, c'est plus possible. Et en plus, je vais te dire un autre truc. Alors, je connais pas les termes techniques. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport Paquette, il a été fait un peu dans une commission qui n'était pas obligatoire avec, si tu veux, pas le même poids, que pourrait avoir un vrai travail. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte. Concrètement, vous voyez bien aujourd'hui que médiatiquement, il est beaucoup plus difficile, même pour quelqu'un à la Ligue, à qui ou même quelqu'un qui est vraiment anti-supporter, de dire « Ah, regardez, là, c'est la faute des supporters ». Non, parce que ça soit côté supporter, on va faire entendre nos voix. Il y a des médias qui vont dire, oui, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez, par exemple, que ce qui s'est passé à Strasbourg, personne ne va dire, ah, c'est seulement la faute des supporters. Alors, il y en a qui vont le dire. Et la plupart des gens disent, attendez, le contexte n'est pas normal. Je pourrais citer les Marseillais aussi, ce qui s'est passé à Marseille. Oui, parce qu'on est focalisé sur Bordeaux, mais il y a eu pareil au Vélodrome pour Marseille, c'était Marseille-Metz vendredi soir, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, ouais. C'est ça. Oui, après, d'ailleurs, on parle de Strasbourg, mais le cas le pire pour les Bordeaux, c'était à Nantes, vu que c'était 48 heures avant le match. Oui. On leur dit, ils peuvent y aller. Bref. Ouais, vous voyez qu'aujourd'hui, ces décisions, on peut plus juste dire, ah, c'est la faute de supporters. Avant, vous disiez, c'est la faute de supporters. C'est tout le monde dit amen. Et aujourd'hui, en plus, il faut pas oublier que la loi, elle oblige ce dialogue. Elle oblige à mettre en place ça. Et qu'en plus, l'Europe commence à le faire. Alors après, je vous dis pas que c'est ça qui va faire avancer le Schmidbeek, et ça veut pas dire que les choses vont avancer du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Les choses sont ainsi faites, justement, que c'est un peu le contraire de ce que tu disais. C'est-à-dire que si tu réfléchis, en fait, à Paris, par exemple, à la DNLH, à l'instance nationale des supporters, même si tu écoutes la NS, mais que sur place, t'as un préfet qui décide d'appliquer autre chose, le préfet, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui décide. Mmh, oui, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est se dire, voilà, on va discuter de choses, éventuellement, on va réussir à obtenir des avancées, on sait que ça va être un peu partout en France, mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand t'as quelqu'un localement qui veut pas l'appliquer. Aujourd'hui, on voit par exemple les énormes problèmes qu'il y a par rapport à la préfecture au niveau de Saint-Étienne, les difficultés qu'il y a avec la préfecture, enfin les décisions qui sont prises et la façon dont c'est géré, c'est ubuesque, c'est pas cohérent quoi. Donc là, oui, effectivement, il peut y avoir un problème local. Nous, ce qu'on essaie déjà, au moins, c'est que les choses se mettent en place, que les gens discutent et pouvoir avoir des propositions qui avancent. Quand ces propositions sont là, qu'elles commencent à exister par endroits, ça sera beaucoup plus difficile pour des gens isolés de dire « Ah non, mais moi, je fais comme je veux et je regarde pas ce qui se passe ailleurs. » Vous imaginez, imagine l'exemple que tu donnais, un préfet de Bordeaux qui va te tenir le même discours, alors que dans 15 préfectures à côté, ça se fait dans la concertation et effectivement, il y a des choses qui se passent. C'est beaucoup plus difficile de lui venir vous chanter la messe et dire « Ah ben non, moi, j'ai décidé, non. » C'est ce qu'il a tenté, il a perdu. Et parce que là, de toute façon, honnêtement, quand il y a des oppositions de principe comme ça, au final, tout le monde est perdant tout le temps. Au final, on n'arrive jamais à s'en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont compris que tout le monde est gagnant à discuter. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts au début. Enfin, la ligue, les clubs, les supporters n'ont des fois pas le même intérêt, mais au moins, on sait que le but commun, c'est que ça marche. Et généralement, tout le monde est gagnant à la fin. Laurent nous disait tout à l'heure que ce qui s'est passé, c'est que c'est la ligue qui a décidé de fermer le parquage des visiteurs bordelais et que la commission. Oui, parce que il y avait une interdiction de déplacement après 3 pour tous les matchs à l'extérieur des Girondins de Bordeaux jusque là 8 février je crois, un truc comme ça. Et que sur ce fait-là, comme la tribune était fermée. À ce moment-là, la préfecture a décidé de pas autoriser le déplacement pour pas avoir à les gérer ailleurs dans le stade. Mais au final, là, on reste sur une décision de, alors, je sais pas combien ils sont à la commission de discipline, mais de 4, voilà, donc j'ai envie de dire de 4 pas très très intelligents qui ont oublié le délire de on parle et on s'écoute tous et on essaye d'avancer ensemble plutôt que la sanction pure bête et méchante quoi. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça que nous ça fait déjà des mois. On l'a déjà évoqué directement à la Ligue, on l'a évoqué au sein de l'Instance nationale du supporterisme, on l'évoque dès l'instant où on a tous les interlocuteurs. Nous, ce qu'on demande, on n'invente rien, on demande exactement sur ce qui s'est passé en Allemagne. C'est-à-dire, à un moment, on a compris que là, il y a un problème au niveau de la commission de discipline et que ces décisions créent plus de problèmes qu'elles n'en règlent, parce que bon, jusqu'à présent, fermer des tribunes, ça n'a pas arrêté des fumigènes d'être craqués, à ma connaissance. Donc, on stoppe ces sanctions qui servent à rien, on met tout le monde autour de la table et on discute de comment gérer le problème. Et après, il y a quand même une question de fond aussi en France, c'est-à-dire que cette commission de discipline, normalement, elle ne doit pas traiter des sujets supporters. Elle ne peut sanctionner que les clubs. Et que là, elle a une petite tendance à sanctionner et en plus à aller se vanter dans les médias qu'elle sanctionne les supporters. C'est pas son domaine. Il faut rappeler que les clubs sont garants, entre guillemets, ou comment dire, responsables de la bonne tenue de l'organisation du match de football au sein de leur enceinte sportive, que ce soit avec leurs supporters ou les supporters adverses. Donc, légalement, vous n'avez pas un moyen de pression, justement, parce qu'au final, la Ligue, tu vois, c'est là où, où pour moi ça coince. Il y a un discours, alors je ne sais pas depuis quand aussi vous avez ce discours-là avec la nouvelle présidente de la Ligue, mais à un moment, la commission de discipline, elle est sous son jarron, il faut qu'elle intervienne. Ça fait quand même un petit moment qu'elle est là. On va dire 8 mois, c'est peut-être depuis le début de la saison. Je crois qu'elle a peut-être commencé la saison dernière. Elle a le droit d'intervenir et de pas attendre. Ah mais c'est exactement ce qu'on dit. Après, attention, nous on représente les supporters. Là, c'est une question qui nous dépasse. Hein. Enfin, on n'est pas le seul sujet. Là, il faudrait aussi que les présidents de clubs, parce que c'est quand même ceux qui prennent en premier, c'est les clubs. Hein. Oui. Que les présidents de clubs, à un moment, ils montent au créneau et disent attendez, il y a une ligue qui est censée les représenter. Donc si la Ligue qui les représente, alors que eux, pour eux, enfin majoritairement, honnêtement, là il y en a qui commencent à s'exprimer dans les médias, mais bon, en off, on sait très bien que la plupart, ça les fait chier, ces histoires de sanctions, en plus, il faut qu'ils montent à Paris, qu'ils engagent des frais, qu'ils aillent se défendre, alors que de toute façon, ils savent qu'ils vont manger, en plus, on leur demande d'aller porter plainte contre leurs supporters, donc ça crée des tensions en interne, parce que forcément, comment tu veux instaurer du dialogue quand tu portes plainte contre tes supporters, tu fermes des tribunes, enfin, ça crée un bordel monstre. Il faut qu'à un moment, que eux aussi, en même temps que Pierre Ménez prenne position dans son émission, que les supporters, nous, on prenne position contre ça, il faut aussi que les présidents, ils se prennent en main et qu'ils y aillent, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Alors, la commission de discipline est, entre guillemets, indépendante. Donc là, en gros, il s'agit pas de remettre en cause son indépendance, mais de dire, attendez, à la Ligue, à un moment, il faut que vous soyez capable de dire, il faut qu'on remette tout à plat. Ouais, mais James, tu crois vraiment que les présidents, moi, c'est là où je trouve que je pense malheureusement que le processus a une limite. Je ne m'imagine pas une seconde, à mon grand désespoir, les présidents de club aller contre, tu vois ce que je veux dire, sacrifier leur intérêt, quoi, par rapport à la Ligue pour leur enfin moi personnellement, après c'est peut-être cynique hein, ce que je dis, mais à aucun moment je vois Martin ou Olas ou ils ont tellement d'intérêt avec la Ligue, ces gens là que comment ils peuvent aller contre. Mais c'est de la politique, si t'arrives à vous êtes là, vous. Oui, je suis là. Non, mais si t'arrives à convaincre un gros président comme Olas, et s'il se fait sanctionner comme il s'est fait sanctionner là et de plus en plus souvent, t'auras un poids lourd dans ton camp et t'y arriveras. Voilà, c'est un noyau de président qu'il faut que t'arrives à convaincre derrière. Alors, des en gros, c'est les 5 plus gros, quoi. Nasser, Olas, Saint-Étienne. T'as déjà Nasser, Olas. Mais au final, c'est après il y a l'intervention des joueurs. Vous discutez avec les présidents de club aussi ou pas? Alors, ça peut arriver de croiser. Après, chacun localement. Alors, il y a des clubs où il n'y a pas de discussion, mais honnêtement, pratiquement partout, chacun localement a des discussions avec sa direction. Donc, je vais pas te dire que on a tous des comptes rendus, des échos, etc. Mais de toute façon, on peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue au sein des directions. Après, qu'il y ait un dialogue comme on l'entend, structuré, avec un référent supporter, sur des sujets assez larges, ça, je vais pas dire que ça existe partout, mais ça existe. Maintenant, ça fait chier, enfin franchement, ces histoires de sanctions, ça fait chier tout le monde. En plus, là, tu as évoqué Nasser, alors moi, il se trouve que je suis supporter du PSG depuis de longues années, et par exemple, nous, dans le genre décision bizarre, on y a eu le droit, quoi. Ah bah vous avez eu un peu tout. Parce que par exemple, alors je te parle même pas du passé, que j'ai bien connu, mais si tu prends la finale de la Coupe de la Ligue où effectivement il y a eu des détériorations, etc., normalement c'est l'organisateur qui est sanctionné. Or l'organisateur, même si c'était à Lyon, c'était l'organisateur, à Lyon, ouais. L'organisateur de la finale de la Coupe de la Ligue, c'est qui? La Ligue. La Ligue. Ben, est-ce que vous avez entendu parler de la commission de la Ligue qui a sanctionné la Ligue? C'est ça. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, malheureusement, j'ai peur que le système tous ces gens-là ont tellement d'intérêt entre eux que je les vois pas, malheureusement pour nous supporters, tout révolution. Tu vois ce que je veux dire? Je les vois pas aller contre leurs propres intérêts, en fait. Ah bah après, nous, la limite qu'on a à l'ANF, c'est de faire ce travail un peu de terrain institutionnel, etc. C'est clair que si ça avance pas, il faut aussi que les groupes, comme ils l'ont fait avec des premières initiatives où il y a eu des messages communs, etc., se mettent d'accord et puis voient quelles actions ils peuvent entreprendre, quoi. Après, en plus, on a vu, enfin, là, parce que vous êtes à Bordeaux, vous avez bien vu que dès l'instant où qu'il y a une action qui est menée et que la com est à peu près bien maîtrisée, il y a moyen de faire parler. Moi, j'ai un journaliste, par exemple, qui m'a posé la question, tu vois, ah oui, mais ils vont, machin et tout. Ils y vont, mais ça fait parler de l'histoire. sinon, vous m'auriez pas téléphoné. Ouais. Alors, la question que j'avais à te poser, et puis on va après pouvoir te libérer. Il y a eu donc le déplacement des Bordelais à Strasbourg, aidé par les Strasbourgeois, la grève des Strasbourgeois. Il y a eu une banderole à Nantes de soutien aux ultramarins. C'était à Caen, mais par les Nantais pour les ultramarins. Alors qu'on sait qu'il y a quand même une rivalité sportive. Il y a eu les banderoles de ce qui s'est passé pour Marseille. Est-ce que ce genre de choses, ce qui s'est passé ce week-end, est-ce que ça va vous aider ou pas? Ah bah de toute façon, oui. Tout ce qui montre tout ce qui montre que nous on va dans le bon sens et que tous les autres, hein, parce que je parle des supporters, mais je le répète, hein, à la Ligue, il y a une volonté de la présidente, à la DNH il y a une volonté, dans les institutions il y a une volonté. Tous ceux qui vont vers l'avant, qui sont pas dans cette inertie, qui sont pas essayés de pas faire avancer les choses, ils y gagnent, ça c'est clair. Alors malheureusement, c'est toujours pareil, s'il faut que les supporters ils aillent au charbon, mais oui, tout le monde y gagne, ça c'est clair et net. Et puis surtout, c'est toujours pareil parce qu'on sait très bien comment ça se passe. C'est surtout quand c'est fait intelligemment entre guillemets et qu'il n'y a pas d'incident. Parce que vous savez très bien qu'au moindre incident, vous verrez que des images des incidents. C'est et ça. Même si l'action est plutôt intelligente et si le message est bon et si ce qui est dénoncé, bah, effectivement, c'est quelque chose de pas normal, dès l'instant où vous avez un petit incident et tout, ça va brouiller le message, ça c'est sûr. C'est ça qui est malheureux, c'est que, et malheureusement, on soulignait le rôle des médias tout à l'heure, mais c'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire que ces médias soutiennent apporte un éclairage sur ce mouvement de résistance et de soutien, mais c'est aussi ces mêmes médias qui, dès qu'il y a le moindre truc dans un stade de football, l'amplifient aussi à l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Amplifient le truc à l'opposé de ce qu'on voudrait, que voilà, qui amplifie le truc, et ça en fait des débats, et le CFC et l'équipe et RMC et machin, tout ça. C'est-à-dire qu'eux ils sont des deux côtés, c'est-à-dire qu'ils peuvent soutenir et ils peuvent aussi amplifier quelque chose de négatif pour en termes d'image et de comment dire. Ouais, mais on est quand même, alors déjà d'une, on part quand même de loin, nous on avait tout à gagner. Quand je dis nous les supporters, c'est-à-dire qu'avant de toute façon c'est tout le temps de ta faute. Donc aujourd'hui au pire, il y a des fois où il y a des messages qui sont un peu négatifs et qui vont mettre de côté le fond, mais de toute façon on a quand même au moins l'ouverture où on parle vraiment des choses. Et puis hormis quelques journalistes encore à l'équipe ou des fois localement, il y a quand même des gens qui maintenant posent la question, essayent de trouver un interlocuteur pour vérifier avant. Par exemple, Pierre Ménez, alors moi j'ai pas d'avis, les gens pensent ce qu'ils veulent, hein, parce que des fois il a des sorties un peu poussées. Moi je peux vous dire, je peux le témoigner parce que moi je l'ai eu. Par exemple, en novembre, je me souviens plus quel incident il y avait eu. Il voulait en parler, faire vraiment être très incisif là-dessus et dénoncer le comportement des supporters. Il a tenu à essayer d'avoir quelqu'un. Il se trouve que finalement il a eu moi, on a discuté, je lui ai expliqué le contexte, etc. Et finalement, il a contextualisé, il a réfléchi, il a pas fait sa sortie. Ça, évidemment, c'est juste un travail de journaliste, mais aujourd'hui. Alors, je peux te dire qu'il a fait la même chose avant de faire celle d'hier. Il a fait la même chose de ce que chez moi. Il s'est d'abord renseigné pour être sûr d'avoir les bonnes versions et les bonnes informations avant de pousser son coup de gueule. Oui, et en plus, sur Twitter, il le dit, il faut que je demande à Marc. Mais c'est tout bête, mais déjà, nous, on a tout gagné parce que de toute façon, notre discours, il a jamais été de réclamer une impunité. Si on le demande, on dit oui, il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes, oui, il y a des choses qui existent. Après, nous, on prétend pas régler, on va pas dire que demain, il y aura plus de violence, il y aura plus de discrimination, et que tout le monde sera joli et se fera des bisous, il y aura plus de parquage parce que les supporters sont mélangés. Nous, on s'en fout, ça, c'est pas ça notre discours. Nous, on dit, il y a des choses qui sont gérables et qui peuvent être réglées juste avec un peu d'organisation, un peu de discussion. C'est ça. Et bah, occupons-nous de ça. Le but est pas... au moins vous, les autorités et tout, vous aurez à vous occuper du reste. Mais au moins qu'on puisse s'occuper de ça. Et puis même pour la police, honnêtement, je pense que les mecs, on parlait de samedi soir à Strasbourg, je pense que le commissariat de Strasbourg samedi soir, il avait autre chose à foutre que... Ils étaient deux par fourgon de CRS, avec trois CRS à l'intérieur. Ah, il y en a un qui a été tout seul, forcément, parce qu'ils étaient impairs. Non, après, mais... Bah, si vous voulez, je vous raconte une anecdote parisienne. Allez, vas-y, vas-y. Bah, ici, parce que là, vous parlez des CRS, mais nous, à un moment, notre truc, surtout quand on avait des vagues d'interdiction administrative qui étaient par 200 ou 300, en fait, tout le monde faisait un recours, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pauvres administrations, les pauvres, parce qu'il y a des, il y a toujours des employés pour rédiger, pour faire le... Oui, c'est ça, c'est, ça met une machine administrative en route, on se rend pas compte. Donc, on en a évité plein, comme ça, juste en faisant des recours massifs, des demandes d'audition, etc. Et parce qu'ils sont débordés, quoi. Mais parce qu'un recours, on est sûr que ça, enfin, vu le temps que ça, généralement, c'est comme les interdictions stade. C'est qu'elles peuvent tomber, elles sont pour 6 mois. Le temps de faire un recours en justice, ça prend 8 mois. Au bout du mois, on te dit, ah oui, en effet, oui. T'aurais pas dû l'être. Mais bon, c'est trop tard, c'est fini. J'essayais juste d'imaginer qu'en fait, au-delà des simples CRS, vous avez ce que ça demande. Là, en 2 jours, en gros, quand la commission de discipline prend cette décision, en 2 jours, ils ont été obligés de faire travailler un truc de fou et ça fait chier tout le monde. Ouais, on se rend pas compte. T'as raison de le souligner parce que dans ce qu'on lit un peu partout, machin, et puis en parlant avec les gens, même hier au rassemblement devant le commissariat, les gens, c'est ça. T'as l'impression que c'est juste 30 CRS qui interpellent 40 mecs, qui les amènent au commissariat. Mais t'as raison, ça implique une machine administrative de dingue derrière. C'est-à-dire qu'il y a une logistique. Voilà, c'est un truc de fou. Voilà, c'est toute une mise en place et ça, eh ben, accessoirement, ça coûte du pognon, hein, déjà, premièrement, okay. Parce que c'est des fonctionnaires, donc il faut les payer avec l'argent de l'État, messieurs dames, avec nos sous, avec notre argent. Et non, mais voilà, t'as raison, c'est vraiment tout un processus. Et puis, honnêtement, comme nous le disait Laurent tout à l'heure, juste avant toi. Et puis on a eu des témoignages aussi de ceux qui étaient à Strasbourg. Enfin, les pauvres policiers du commissariat de Strasbourg, ils savaient même pas quoi leur dire, quoi. Déjà, je pense qu'ils avaient autre chose à foutre un samedi soir à Strasbourg que s'occuper de 45 mecs. Ils savaient même pas quoi leur dire, quoi. Je pense que tu pouvais taper ta femme, on venait pas te chercher de suite. Hein. Ah ouais, non, mais enfin, voilà, ils leur disaient bon. Il faut pas taper sa femme, hein, bien sûr. Bon, bref. Ouais. Bon, voilà. On va te remercier. Je vous dis un mot de la fin. Ouais, vas-y, vas-y. Pour bien imaginer, c'est que là, on en revient à cette fameuse commission de discipline où il y a 4 pelés qui ont pris ces décisions et tout ce qu'on a dit, toutes les conséquences, et ben eux, ils sont pas responsables, ils s'en lavent les mains. C'est ça. Et franchement, c'est hallucinant. Voilà. James, enfin, merci d'être intervenu. Merci. Ça nous importait beaucoup d'avoir ton avis parce que le but, c'était, enfin, on va forcément défendre les ultramarines, surtout vu l'implication de l'émission. On sait que les ultras en général sont pas tout blancs, ils sont pas non plus tout noirs et moi c'est ce qui m'agace d'entendre. On voulait ton avis pour avoir un avis divers et un peu plus avec plus de recul, neutre on va dire, un peu plus extérieur. Voilà, donc on te remercie énormément d'avoir pris le temps de participer à l'émission. C'est la deuxième ou troisième fois qu'il y a quelqu'un de chez vous qui intervient chez nous. Donc on tient à vous en remercier chaleureusement et merci pour ce que vous faites pour les supporters. Exactement, merci à vous et puis bonne continuation. On espère que tout ce dont pour tout, oula, je m'embarque dans un truc là. Tous les sujets sur lesquels vous battez entre guillemets, hein, avec la ligue, avec tout le monde. Enfin voilà, on espère que ça avancera et qu'il y aura des bonnes nouvelles. Dans combien de temps, je sais pas, mais qu'il y aura des bonnes nouvelles. Donc bon courage à toi James et bon courage à l'ANS et bonne continuation. Merci vous aussi. Merci. Merci. Bonne soirée. Messieurs, 22h21, on va pouvoir faire la pause. Voilà, on fait la pause, 10 minutes, on revient à la demi, on fait une demi-heure sur Strasbourg-Bordeaux, on rentre à la maison. Ça vous... Alors, je sais pas si Andrea pourra intervenir, il fait partie des gens qui ont passé 18 heures. Ah ben alors, s'il veut nous appeler, il y a pas de souci. Si tu nous écoutes, sur le chat Benoît a donné pas mal d'informations de ce qui s'est passé, c'est là aussi là que on a su la proportion de CRS par rapport au nombre de Bordelais. Donc c'est bien. Alors, ça, hein, c'est 3 pour 2, c'est-à-dire qu'il y avait plus Andrea, de CRS. Andrea, c'est très simple. Ce que tu fais en message privé là sur le chat, t'envoies ton numéro à Marc. Et dès la reprise de l'émission, Marc il t'envoie un petit texto. Il est sur le chat après. T'es sur le chat? Je le vois plus connecté. Dès que t'entends le... Andrea, si tu veux, hein, on t'oblige pas, si tu veux témoigner de ce que t'as vécu samedi soir, écoute, tu prends ton téléphone, dès que t'entends le générique repartir après la pause, tu nous appelles et on te prend à l'antenne. Allez, on fait la pause, on revient dans quelques instants dans Girondin Analyse. On remercie Laurent Perpignan évidemment et James, de porte-parole de l'ANS, d'avoir passé 7 heures avec nous. Vous trouverez le podcast très prochainement. On fait la pause, on revient dans quelques instants dans Girondin Analyse sur RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. À tout de suite.